danser des nuits, des jours durant, sur d'infinis nuages blancs. Être avec lui, pareil qu'avant. Cueillir des fruits dans l'eau.